Plume va se promener à la mer avec sa moto. Passer un avion et un train. À la plage, il entend les grosses vagues et les mouettes qui crient. Il plonge dans l'eau. Il nage jusqu'à un bateau. Il monte dans le bateau et il met le moteur en route. Le soir, il va voir un feu d'artifice. Thank you.